C'est lui le seul bien qui me calme. Il chasse le lien qui me réclame. Il me soutient et suit mes larmes. Je fais mon plein avec sa flamme. Il est la source de mes grâces. Je me ressource sur ses traces. Jésus, c'est course de sa race qui accourt devant sa face. Car son recours est efficace. Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus, est sans pareil. Personne et rien ne peut nous séparer. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus, est sans pareil. Sans pas. Oh Jésus,